J'ai marché sur bien des routes, j'ai connu bien des patelins. Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin. J'ai vu occuper ma ville par des cons en uniforme qui étaient pas vraiment virils mais qui se prenaient pour des hommes. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question aujourd'hui, est-ce qu'il existe des pièges auxquels on ne peut pas échapper? Alors quand j'étais enfant, mon jeu préféré de très loin, c'était cache-cache. Mais ce que j'aimais encore plus, en attendant qu'on me trouve, c'était d'imaginer que la partie s'étendait au monde, dans sa totalité, que j'étais un fugitif pour l'éternité. Il m'en est resté, je crois, le goût de la fuite. Je n'ai jamais sérieusement fait l'école buissonnière, alors je me rattrape dès que je peux. Alors j'étais invité l'autre jour à une sorte de festival à Malagar, la maison de Mauriac, quelque part, au milieu du vignoble bordelais. Quand l'ancien joueur de cache-cache en moi s'est soudain réveillé, je suis parti en courant à travers les vignes pour aller me cacher dans un calvaire géant d'où j'ai vu une averse se déplacer sur l'horizon des Landes. J'ai visité un moulin, j'ai mis mes doigts dans de la farine, j'ai fait un selfie sur la tombe de Toulouse-Lautrec, juste à côté. Bref, le bonheur. Mais les maisons de famille ont des sortilèges auxquels on ne résiste pas. Et je me suis finalement laissé conduire, assez mystérieusement, dans les anciennes étables de Malagar, où on projetait une version en réalité virtuelle de la maison de Mauriac, actuellement en restauration. Pourquoi pas, je connais mal Mauriac, mais au moins j'aurais vu sa cuisine. La visite virtuelle de la cuisine d'un écrivain, clairement, on était bien en France. Mais j'ai appris qu'un véritable futuroscope se mettait lentement en place. On pourrait bientôt jouer, ici même, à une escape room. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'une escape room? Alors oui, c'est une attraction qui consiste à enfermer des joueurs dans une pièce dont ils pourront ressortir s'ils décryptent un certain nombre d'énigmes. Alors j'ai eu peur quand j'ai compris que l'énigme tournerait autour d'une visite de la Gestapo venue rechercher le manuscrit du Cahier Noir, le livre qu'avait publié Mauriac pendant la guerre anonymement aux éditions de Minuit. J'ai eu peur car j'ai cru qu'on nous demanderait de jouer la Gestapo, mais apparemment il s'agirait plutôt de lui soustraire le livre à temps. Mais ça m'a rappelé un autre projet d'escape room, apparemment bien attesté celui-ci, autour des derniers jours de Walter Benjamin à Portbou. Serez-vous plus malin que Walter Benjamin et saurez-vous imaginer d'autres issues à son exil d'intellectuel juif allemand que son célèbre suicide? Oui, enfin ça c'est d'un goût complètement douteux Aurélien. Bah surtout, imaginez le joueur qui s'en sort in extremis avec des faux papiers ou en vomissant à temps sa capsule de morphine. Le voilà condamné non seulement à fuir aux États-Unis, mais aussi à finir le fameux livre inachevé de Benjamin sur Paris, et notre fugitif soudain de retomber en enfer et d'être condamné, lui qui se croyait si malin, à finir cette œuvre monstrueuse babélienne, désespérée et impossible. Mais en attendant, moi, j'étais toujours prisonnier de la maison de Mauriac. Et feuilletant justement un magazine qui traînait là, comme un indice, je suis tombé dans un article de Lançon sur Mauriac, sur cette phrase géniale et terrifiante de l'écrivain. Une phrase qui serait comme la clé de tout cela, la solution de l'énigme. En politique, le spectacle est permanent, sauf qu'on ne peut pas sortir de la salle. Même Debord n'aurait pas pu mieux dire. C'était d'une justesse terrifiante. Cela justifie d'un coup et l'obstination de Mauriac, notamment par rapport à la question de la torture en Algérie, et le découragement final de Benjamin. Donc pour répondre à votre question initiale, il existe un piège auquel on ne peut pas échapper. Et ce piège, ce serait la politique. On ne peut pas sortir de la salle, encore moins si, comme dans une version particulièrement kafkaïenne de l'énigme, la politique a donné notre nom à la salle de spectacle, comme le prévoyait récemment dans son programme électoral le maire RN de Perpignan, qui voulait que le centre d'art de sa ville, si proche de Portbou, prenne le nom de Benjamin. Merci beaucoup Aurélien, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philo. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aident chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni en compagnie de Manon de la Selle, Avril Poignant-Legoff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui a réalisé pour vous cette émission. À la prise de son aujourd'hui, c'était Élise Leu. À la lecture des textes, Hélène Losseur.